Ma vie, de Isadora Duncan. Cinquième et dernier épisode, le combat. Nous sommes en 1910 et Isadora Duncan vit à Paris avec ses deux enfants. Deirdre a 4 ans. Elle est la fille d'une figure du théâtre moderne, Gordon Craig, avec lequel Isadora a entretenu une relation passionnelle et douloureuse. Patrick vient de naître. Il est le fils de Paris-Eugène Singer, homme d'affaires et héritier des machines à coudre Singer, qu'elle appelle Lohengrin dans ses mémoires. Ces deux maternités n'empêchent aucunement Isadora de poursuivre sa voie. Fonder une école qui révolutionnerait la pratique de la danse en la libérant du conservatisme des conventions classiques. Elle rêve toujours d'un orchestre de danseuses qu'elle aurait formé à la libre expression de l'âme, dans la beauté des corps en mouvement. En 1908, j'avais acheté l'atelier de Gervex à Neuilly. Et en 1910, après la naissance de Patrick, j'allais y vivre avec mes enfants. Il y avait une salle de musique semblable à une chapelle. J'y travaillais toute la journée et quelquefois aussi toute la nuit avec mon fidèle ami Hannes Keen, qui était un pianiste infatigable et de grande valeur. J'aimais à donner des dîners et des fêtes. Et souvent, le vaste studio était transformé en un jardin des tropiques ou en un jardin espagnol où venaient tous les artistes et les gens célèbres de Paris. Une de ces fêtes eut un dénouement tragique. Le champagne coulait à flots, comme à chaque fois que Lohengrin était là. À 2 heures du matin, je me trouvais assise sur un divan un peu à l'écart de la fête avec Henri Bataille. Et bien qu'il eût toujours été pour moi comme un frère, ce soir-là, il parla et agit différemment. Lohengrin nous aperçut sur le divan. Il fut pris d'une violente colère, et prenant à partie les invités, il quitta la maison, jurant de ne plus y mettre les pieds. Lohengrin ne crut jamais en mon innocence. 2 jours plus tard, j'appris qu'il était parti pour l'Égypte, en compagnie d'une femme. En 1913, je quittais Neuilly pour m'installer à Versailles avec une gouvernante. Travaillant au studio, lisant de longues heures dans la bibliothèque, jouant au jardin avec mes enfants ou leur apprenant à danser, je me sentais heureuse et je craignais que de nouvelles tournées ne vinssent encore nous séparer. Souvent, du balcon, je contemplais à son insu Deirdre qui composait des danses de sa façon. Devant sa grâce exquise et sa beauté, je me disais parfois qu'elle réaliserait un jour mon école telle que je l'avais rêvée. Elle était ma meilleure élève. J'avais toujours prophétisé qu'un grand artiste viendrait, qui réunirait le génie musical à celui de la danse, et en regardant danser mon petit garçon, il me semblait parfois qu'il serait cet artiste, capable de créer la danse nouvelle issue d'une musique nouvelle. En mars, je dansais alternativement au Châtelet et au Trocadéro. Tout semblait me sourire. Un soir, je dansais comme je n'avais jamais dansé. Je n'étais plus une femme, mais une flamme de joie, un embrasement, les étincelles qui fusent, la fumée qui tourbillonne. Une grande surprise m'attendait après cette représentation. Lohengrin parut dans ma loge. J'avais beau savoir qu'il n'avait pas fait seul ce voyage en Égypte, j'éprouvais une grande joie à le revoir, car je l'aimais toujours, et il me tardait de lui montrer son fils, devenu en son absence robuste et superbe. Lohengrin me demanda de le rejoindre en ville le lendemain avec les enfants. Dans l'automobile qui nous menait de Versailles à Paris, tenant mes enfants dans mes bras, j'étais remplie d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle confiance dans la vie. Je savais que quand Lohengrin verrait notre fils, il oublierait tous ses ressentiments contre moi. Et je rêvais que notre réconciliation nous permette de réaliser quelque chose de grand. Un théâtre où se rencontreraient les meilleurs artistes de ce monde. Tout se passa comme je l'avais prévu. Lohengrin fut enchanté de voir les enfants et nous déjeunâmes gaiement dans un restaurant italien en causant de l'avenir du merveilleux théâtre. Quand le déjeuner fut fini, Lohengrin proposa de nous emmener au salon des humoristes. Mais j'avais une répétition. Je demandais à la nurse de m'attendre avec les enfants, mais elle me proposa de les ramener à la maison en voiture. « Ils étaient fatigués, me dit-elle. » Je les embrassai en disant « Je rentrerai bientôt, moi aussi. » Et en partant, ma petite Deirdre appuya ses lèvres sur le carreau. Je me penchai et baisai la glace à la hauteur de ses lèvres. Le froid du verre me fit une étrange impression. Je me rendis à la salle de répétition. Des fleurs et une boîte de bonbons qu'un admirateur m'avait envoyée m'y attendaient. Je pris un bonbon et le mangeai paresseusement, me souriant à moi-même et pensant « Lohengrin est revenu, tout ira bien. » Alors parvint à mes oreilles un cri étrange, sans rien d'humain. Je tournai la tête. Lohengrin était là, chancelant comme un homme ivre. Ses genoux fléchirent, il s'affaissa devant moi, et de ses lèvres j'entendis ces mots. « Les enfants. Les enfants sont morts. » Deux fois seulement retentit le cri de la mère, à la naissance et à la mort. Sur les lieux de l'accident, lorsque je sentis dans mes mains ces petites mains froides qui jamais plus ne presseraient les miennes en retour, j'entendis mes cris, ces mêmes cris que j'avais entendus à la naissance de mes enfants. Pourquoi les mêmes, je l'ignore, mais je sais qu'ils sont les mêmes. N'est-ce pas que dans tout l'univers, il n'y a qu'un grand cri contenant la douleur, la joie, l'extase, l'agonie, le cri maternel de la création? Le malheur était trop grand pour les larmes. Je ne pouvais pas pleurer. Ceux qui étaient avec moi ont dit que pendant des jours et des semaines, je ne savais que rester assise, les yeux fixés devant moi. Comme Niobé changé en pierre, je demeurais immobile et j'attendais l'anéantissement de la mort. Lohengrin était reparti à Londres. J'avais l'idée que s'il venait me rejoindre, je pourrais échapper à cet horrible et mortel coma. Peut-être que si je sentais autour de moi ses bras chauds et aimants, reviendrais-je à la vie. Mais Lohengrin ne répondait pas à mon appel. Ma maison de Neuilly était déserte, à l'exception d'un vieillard qui entretenait le jardin et vivait dans la loge du concierge près de la grille. Un jour, j'entrai dans mon grand studio et pendant un moment, la vue de mes rideaux bleus me rappela mon art et mon travail. Je résolus de faire un effort. Dans cette intention, j'envoyai chercher mon ami Henneskin afin qu'il jouât pour moi. Mais le son de la musique familière eut pour seul effet de provoquer une crise de larmes. C'était la première fois que je pleurais. Chaque chose ici ravivait trop ardemment le souvenir des jours heureux. Il est des douleurs qui tuent même alors qu'on semble leur survivre. Le corps continue à se traîner sur les misérables routes de la vie, mais l'esprit est anéanti pour toujours. Depuis, je n'ai plus eu qu'un désir, fuir, fuir, fuir cette horreur. Et ma vie n'a plus été, en somme, qu'une succession de départs sans raison. J'ai été le triste juif errant, le hollandais volant, bateau fantôme sur une mer fantôme. Je séjournai quelques mois en Italie, où j'eus une liaison avec un jeune homme à qui je demandais de me faire un enfant. Il appartenait à une famille italienne austère, et il était fiancé à une jeune fille italienne de famille non moins sévère. Il ne me l'avait pas dit, mais un jour il me l'expliqua par lettre en me disant adieu. Je ne lui en voulus pas. Je sentais qu'il avait sauvé ma raison, et je n'éprouvais plus l'impression de solitude. Je sentais les âmes de mes enfants planer autour de moi. Je savais qu'ils reviendraient sur terre pour me consoler. Je partis pour Rome. Rome est une cité merveilleuse pour un cœur dans la tristesse. J'aimais particulièrement à errer sur la voie Appienne à l'aube. J'étais comme un fantôme qui aurait parcouru la route romaine depuis un millier d'années, avec les vastes plaines de la Campanie autour de moi et la grande voûte d'un ciel de Raphaël au-dessus de la tête. Quelquefois, je levais mes bras vers ce ciel et dansais une figure tragique entre les tombes alignées. Je fus arraché un jour à ces tristes voyages par un télégramme de Lohengrin, me suppliant, au nom de mon art, de revenir. Et à son appel, je pris le train pour Paris. Lohengrin avait fait préparer pour moi un magnifique appartement au Carlton, donnant sur la place de la Concorde et rempli de fleurs. « Je suis venu à vous pour la première fois en 1908 afin de vous aider, » dit-il. Mais notre amour nous a conduits à la tragédie. Maintenant, créons l'école que vous désirez et de la beauté pour les autres sur cette triste terre. » Il avait acheté le grand hôtel de Bellevue, dont les terrasses dominent l'antique Paris, dont les jardins descendent jusqu'au fleuve et dont les chambres peuvent loger un millier d'enfants. Il ne dépendait plus que de moi que cette école existât pour toujours. Devant l'inextricable réseau de peines et de catastrophes que m'avait apporté la vie et sur lesquelles seule brillait la lueur intacte de mon rêve, je consentis. Le lendemain matin, nous visitâmes Bellevue et dès lors je résolus de transformer cet hôtel assez banal en temple de la danse de l'avenir. 50 candidates furent choisies au moyen d'un concours organisé dans le centre de Paris. Je croyais que cette école de Bellevue serait durable, que j'y passerais les années qui me restaient à vivre et que j'y laisserais les résultats de mes efforts. Mais au mois de juillet de cette année 1914, une étrange angoisse s'abattit sur la France. Un calme inquiétant paraissait suspendu sur la terre et il me semblait que les mouvements du nouvel enfant que je portais étaient plus faibles, plus indécis que ne l'avaient été autrefois ceux des autres. J'étais aussi très fatiguée suite à l'effort que j'avais fait pour transformer mon chagrin et mon deuil en une vie nouvelle. Comme le mois de juillet avançait, Lohengrin me proposa d'envoyer mes élèves en Angleterre pour y passer les vacances dans sa maison du Devonshire. Donc un matin, mes petites élèves entrèrent en rang par deux pour me dire au revoir. Elles devaient passer le mois d'août au bord de la mer et revenir en septembre. Quand elles furent toutes parties, la maison me parut étrangement vide, et malgré mes efforts, un profond abattement s'empara de moi. J'essayais d'apaiser mes craintes en pensant que mon enfant allait bientôt naître, que mes élèves reviendraient et que Bellevue serait de nouveau un centre de vie et de joie. Mais les heures tournaient lentement jusqu'au matin où je lus dans le journal l'assassinat de l'archiduc. Puis des rumeurs, et bientôt la certitude de la guerre. Tandis que je préparais la renaissance de l'art et du théâtre, les fêtes de la grande joie et de l'exaltation humaine, d'autres forces préparaient la guerre, la mort et le désastre. Hélas, qu'étaient mes faibles forces devant toute la puissance de celle-là. Le 1er août, je sentis les premières douleurs de l'enfantement. Dans la rue, on criait les nouvelles de la mobilisation. Il faisait très chaud, les fenêtres étaient ouvertes. Mes plaintes, mes souffrances, mes angoisses étaient accompagnées par le roulement du tambour et la voix du crieur public. Mobilisation, guerre, guerre. Mais il fallait que l'enfant naquît, et c'était si dur pour lui de venir au monde. Un autre médecin prit la place de mon ami le docteur Bosson, qui avait reçu l'ordre de rejoindre l'armée et était parti. Ce médecin ne cessait de répéter « Courage, madame !» Pourquoi dire « courage » à une pauvre créature tordue d'horribles souffrances. Il aurait été plus humain de me donner un peu de champagne. Mais ce docteur avait son système qui était de répéter « Courage, madame ». L'infirmière était bouleversée et ne cessait de dire « Madame, c'est la guerre ». Je pensais « Mon enfant sera un garçon, mais il restera trop petit pour aller à la guerre ». Enfin, j'entendis le cri de l'enfant. Il criait. Il vivait. Toutes mes craintes, toute l'horreur de cette année terrible, tout avait disparu dans un grand souffle de joie. Le tambour roulait toujours. Mobilisation, guerre, guerre. Mais mon enfant était là, en sécurité dans mes bras. Qu'il fasse la guerre, cela m'est égal, pensais-je. Le soir vint, ma chambre fut pleine de gens qui venaient voir l'enfant que j'avais dans les bras. « Vous allez recommencer à être heureuse, » disaient-ils. Peu à peu, ils s'en allèrent. Je restais seule avec mon fils. Je murmurais « Qui es-tu ? Deirdre ? Ou Patrick ? Te voici revenu vers moi. » Tout à coup, le petit être me regarda fixement et respira avec peine, suffoquant, et une sorte de sifflement sortit de ses lèvres glacées. J'appelai l'infirmière. Elle vint, regarda, et effrayée, prit brusquement l'enfant dans ses bras. De la chambre voisine, j'entendis qu'on réclamait de l'oxygène et de l'eau chaude. Après une heure d'attente angoissante, on m'annonça que mon enfant était mort. Je crois qu'à ce moment-là, j'atteignis le sommet de la douleur humaine. Car avec cette mort, il me semblait que mes autres enfants mourraient encore une fois. C'était comme la répétition de la première agonie, avec quelque chose qui s'y ajoutait encore. Un ami vint me voir et me dit « Qu'est-ce que votre chagrin à vous ? Déjà la guerre réclame des centaines d'existences. Déjà les blessés et les mourants arrivent du front. » Il me sembla donc naturel de donner belle vue pour qu'on en fît un hôpital. Belle vue, mon acropole, qui devait être une source d'inspiration. Une académie pour l'élévation de la vie au moyen de la philosophie, de la poésie et de la musique. Depuis ce jour, l'art et l'harmonie s'évanouirent, et dans tes murs retentirent mes cris. Les cris de la mère blessée et de l'enfant épouvanté à son entrée dans le monde par le tambour de la guerre. Mon temple de l'art fut changé en un royaume de martyrs, en un charnier de blessés sanglants et de morts. Là où j'avais rêvé de musique céleste, il n'y eut plus que râle de douleur. Jusqu'à la fin des hostilités, je fis des efforts désespérés pour maintenir mon école, espérant toujours que la guerre allait se terminer et que nous allions retourner à Bellevue. Mais la guerre continuait. En 1917, réfugié à New York, je croyais, comme beaucoup d'autres, que de la victoire des Alliés dépendait l'espérance de la liberté, de la régénération du monde. Aussi, à la fin de chaque représentation, je dansais la Marseillaise, que toute la salle suivait debout. Je continuais à interpréter la musique de Richard Wagner. Et je crois que tous les gens intelligents reconnaîtront que le boycottage des artistes allemands pendant la guerre fut une chose injuste et stupide. Le jour où fut annoncée la révolution russe, tous ceux qui aiment la liberté furent remplis d'une joyeuse espérance. Le soir, je dansais la Marseillaise avec le véritable esprit révolutionnaire dans lequel elle fut composée. Puis je la fis suivre de mon interprétation de la marche slave qui contient l'hymne au tsar. J'y exprimais l'humiliation des serfs conduits à coups de fouet. Cette antithèse, cette action contraire à la musique, provoqua un orage parmi les spectateurs. Il est étrange que dans toute ma carrière d'artiste, ce furent ces mouvements de désespoir et de révolte qui m'attirèrent le plus souvent. Dans ma tunique rouge, j'ai constamment dansé la révolution et l'appel aux armes des opprimés. Le soir de la révolution russe, je dansais avec une joie farouche. Mon cœur bondissait à l'idée de la libération de tous ceux qui avaient souffert, qui avaient été torturés, qui étaient morts pour la cause de l'humanité. Quelques semaines plus tard, Lohengrin donna une fête chez Sherry, en mon honneur. À cette occasion, il me fit cadeau d'un splendide collier de diamants. Je n'avais jamais désiré de bijoux et n'en avais jamais porté, mais il fut enchanté quand je mis ces diamants autour de mon cou. Seulement, après que les flots de champagne eurent sans arrêt désaltéré les invités et que mon propre cerveau fut devenu de moins en moins lucide, j'eus la malencontreuse idée de montrer le tango apache comme je l'avais vu danser à Buenos Aires à un superbe jeune homme qui était là. Tout à coup, je sentis mes cheveux empoignés par une main de fer. Ma tête et celle du jeune homme furent choquées l'une contre l'autre, puis je fus précipité à l'autre bout de la pièce où je me heurtai contre le mur et tombai à terre, la figure ensanglantée. Je levai les yeux vers Lohengrin. Il était dans une rage folle et hurlait des insultes. Je fus si indigné que je me levai et, arrachant le collier de diamants de mon cou, je le lui lançai à la face. Les invités qui étaient restés pendant cette scène pétrifiés et consternés glissaient maintenant dans toutes les directions sur le parquet de la salle de bal à la recherche des pierres précieuses. Ce fut la seule circonstance de ma vie où je portais ce fameux collier. Car peu après cet incident, dans un autre accès de colère, Lohengrin disparut. Il me laissait avec une note d'hôtel formidable et toutes les dépenses de mon école sur les bras. Après l'avoir en vain appelé à mon secours, je portai le fameux collier de diamants au Mont-de-Piété et ne le revis jamais. Je décidai de rentrer en France. Mais quand j'arrivai à Londres, je n'avais pas assez d'argent pour rejoindre Paris. Seul et malade, sans un sou, mon école détruite, et cette interminable guerre qui semblait devoir durer toujours. Je me trouvais dans une situation désespérée quand je rencontrai par hasard un homme charmant qui faisait partie de l'ambassade de France. Il vint à mon secours et me ramena à Paris. Je pris une chambre au Palais d'Orsay et j'eus recours à des usuriers pour obtenir les fonds qui m'étaient nécessaires. Lorsque la guerre finit, j'allai à Bellevue. La maison tombait en ruine. Après de vains efforts pour la reconstruire, j'acceptai une offre raisonnable du gouvernement français, qui jugeait que cette maison serait idéale pour accueillir une usine à gaz asphyxiant en vue de la prochaine guerre. Quand la vente en fut accomplie et la monnaie en banque, j'achetai une maison rue de la Pompe. Cette maison était l'ancienne salle Beethoven. J'y fis mon studio. Mon désir de reconstruire mon école me reprit, et je câblai à mes élèves restés en Amérique. Lorsqu'elles m'eurent rejointe, je rassemblai quelques fidèles et je leur dis « Allons à Athènes, vers l'Acropole. Nous pouvons encore fonder une école là-bas. » À notre arrivée à Athènes, tout semblait nous sourire. Grâce à l'amabilité du ministre Venizelos, le Zapeion fut mis à ma disposition. Nous y installâmes notre studio, et j'y travaillais chaque matin avec mes élèves, m'efforçant de leur inspirer une danse digne de l'Acropole. J'avais conçu le projet d'entraîner 1 millier d'enfants pour de grandes fêtes dionysiennes que nous devions présenter dans le stade. Chaque jour, nous allions à l'Acropole. Et c'était pour moi un spectacle infiniment émouvant que de voir les formes juvéniles de mes élèves, réalisant maintenant par leur danse une part au moins du rêve que j'avais fait 15 ans auparavant, lors de ma première visite. Maintenant que tout semblait indiquer que la guerre était finie, j'allais enfin pouvoir créer mon école, si longtemps souhaitée. Mais nous fûmes victimes de la situation politique. Il suffit de la morsure d'un petit singe malicieux. Morsure qui fut fatale à la vie du jeune roi. Son décès fut suivi d'un soulèvement et d'une révolution telle que le départ de Venizelos et de son parti fut jugé nécessaire. Notre propre départ s'imposa du même coup, car nous étions venus sur l'invitation de l'ancien ministre. Nous fûmes tous forcés d'abandonner le rêve de fonder une école à Athènes, et nous prîmes le bateau pour retourner à Paris. Au printemps de l'année 1921, je reçus le télégramme suivant. « Notre gouvernement seul peut vous comprendre. Venez chez nous, nous ferons votre école. » D'où venait ce message ? De l'enfer ? Non, mais de ce qui y ressemble le plus, de ce qui représente l'enfer en Europe, du gouvernement soviétique de Moscou. Et regardant ma maison vide, vide d'espérance et d'amour, je répondis « Oui, j'irai en Russie, j'enseignerai à vos enfants, à la seule condition que vous me donniez un studio et l'argent indispensable pour travailler. » La réponse fut oui. Pendant ce voyage, j'avais ce sentiment de détachement d'une âme après la mort qui va vers une autre sphère. Je pensais laisser derrière moi pour toujours les formes de vie européennes. Je croyais sincèrement que l'État idéal conçu par Platon, Karl Marx et Lénine avait maintenant, par quelques miracles, été créé sur Terre. De toute l'énergie de mon être, déçu dans mes tentatives faites en Europe pour réaliser mes rêves d'art, j'étais prête à embrasser l'idéal communiste. Adieu, inégalité, injustice et brutalité du vieux monde qui rendirent mon école impossible. Adieu, vieux monde. C'est un monde nouveau que je saluais. Ses mémoires se terminent sur le départ d'Isadora Duncan pour la Russie en 1921. À Moscou, elle fera la connaissance du poète Serge Essénine. Ils se marieront en 1922 et après avoir parcouru ensemble l'Europe et les États-Unis, ils retourneront en Russie. Essénine, malade, quittera Isadora un an après leur mariage et se suicidera en décembre 1925. Isadora reviendra alors en France, où elle s'installera à Nice. Le 14 septembre 1927, sa longue écharpe se prend dans les roues de sa voiture alors qu'elle roule sur la promenade des Anglais. Elle meurt étranglée. Elle a tout juste 50 ans. Isadora Duncan, Ma vie, lue par Odja Lorca, avec la voix de Julien Alouf. Traduction, Jean Alary. Choix des extraits, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egoroff. Ma vie est publiée aux éditions Gallimard.